Planète Rap. 100% rap français. Passez une bonne soirée, bienvenue juste après Difool, c'est la nocturne 100% rap français comme chaque vendredi soir. Et pour conclure cette saison de nocturne, c'est la dernière nocturne de la saison. Il fallait aller vers l'avenir et l'avenir se situera certainement dans toutes les villes de France. Et notamment une ville que parfois on a tendance à sous-estimer et pourtant il y a un potentiel énorme dans cette ville. C'est la ville de Lyon représentée ce soir avec Yacine au micro, ça va bien? Ça va et toi? Et ton label surtout Yacine, parce que toi t'es un petit peu... À l'origine de tout ça, de tous les gens qui sont là dans le studio, il y a du monde dans le studio ce soir. C'est ça, on va dire, j'ai créé l'étincelle. Voilà. Et derrière, ça a suivi, quoi. Donc, c'est un label qui s'appelle LGB. LGB pour LGB. Donc, Lyon Grande Banlieue. Lyon Grande Banlieue. Grande Banlieue, quoi. Donc, il est né quand le label? Et après, on peut le tourner de toutes les manières. Ouais, je me doute qu'il y a plein, hein, qu'il y a LGB, ça permet de dire plein de trucs. Le gros bordel. Le gros bordel, notamment. C'est ça. Ils sont bien calmes, les Lyonnais derrière, là, je trouve, hein. C'est... Ah, ils sont posés, ils attendent que ça commence tout doucement. Ouais, ils sont juste le feu vert. T'inquiète pas, ils sont sous. Voilà. Donc ouais, il est né quand ce label alors? Il est né il y a maintenant 7 ans. Mm-hmm. Donc c'est un long travail. Donc il y a 7 ans, on a créé le label donc avec Homicide qui est ici présent. Ouais, et pas mal d'autres artistes à Lyon. Donc 5 ans après, 5 ans, il y a 5 ans en arrière, on a pris une structure. Donc on a pris des locaux, 250 mètres carrés, donc avec des studios, pas mal de techniciens que je salue, parce que c'est eux qui font une grosse partie du travail pour faire vivre un artiste. Aujourd'hui, l'artiste, il faut qu'il rappe, certainement, il faut qu'il soit bon, certainement, mais il a besoin d'une grosse équipe et de structures, et de structures indépendantes qui font les choses, on va dire, sans attendre. Et c'est pour ça que je voulais faire cette nocturne. Ce qui me paraît intéressant, voilà, c'est que bah, vous n'êtes pas sur un axe habituel Paris-Marseille, il y a la ville de Lyon. Il y a toujours eu des rappeurs à Lyon, hein. C'est vrai qu'il y a toujours eu une école du rap aussi à Lyon, un côté aussi très funk. Je sais qu'il y a aussi Lyon qui est très lié à la funk, notamment. On aime bien la musique en général, ouais. La funk, c'est vrai que ça animait beaucoup de voitures, ouais. Et ça motivait beaucoup de gens à aller travailler. Et quand je disais en début d'émission justement, mais c'est vrai que c'est important de mettre en avant, parce que bah, toi t'en es l'exemple Yacine, t'as attendu personne, t'as monté ta structure. Voilà, on a essayé de faire les choses tant bien que mal. Mm-hmm. On a tout le temps gardé une ligne de mire, on s'est tout le temps accroché sur cette ligne de mire, c'est travailler et pas perdre de temps, on va dire, sur des futilités. C'était l'artistique et la technique, avoir une équipe fiable et des artistes fiables aussi. Et puis résultat, donc il y a non seulement le label, mais il y a plein d'autres choses, hein. C'est ça aussi que t'as monté autour de la structure. C'est ça, c'est naturellement. Étant donné qu'un artiste a beaucoup de besoins, photographe, caméraman, communication, marketing, community manager et tout, et j'en passe, pour dire être un artiste, entre guillemets, avec les moyens. Donc j'ai dû m'entourer et par conséquent, à côté, naturellement, on a créé une agence de communication qui s'appelle Genius Lab, qui nous permet aujourd'hui de faire vivre le label. Le label. Et de continuer à produire des artistes. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette émission, parce que je la trouve importante sur le, voilà, il y a plein de gens qui vont t'écouter de plein de villes ou même de plein de petits, toutes petites villes, des villes moyennes aussi ou des villes plus petites, si je peux, plus modestes. Si je peux les encourager, voilà. C'est faire les choses d'eux-mêmes, travailler, baisser la tête, travailler, et c'est en faisant qu'on devient, tout le monde peut le faire. Exact. Et faire mieux que ça même. Tiens, beau slogan. Il y a un site internet où on peut retrouver justement toute l'actu. Site internet, on est en train de le refaire. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver toute l'actualité du label LGB sur Facebook, Twitter, Instagram, tous les réseaux sociaux, bien sûr. Un nouveau site va arriver et aussi à travers tous les. YouTube, les, tout ça là. Tout ce qui est YouTube et compagnie, ouais. Bien sûr. Et nos artistes qui ont aussi. Eh bah, bien, présente les artistes qui sont au micro et qu'on va retrouver au fur et à mesure de l'émission. Donc, ce soir, on est là autour de Big Benny. Big Benny, c'est la dernière recrue du label LGB que je vais laisser se présenter. Il va passer le relais au fur et à mesure. Aux autres artistes. Et bah voilà, petit CV express pour chacun. Big Benet, t'es le premier, tu ouvres. Bah déjà, je m'appelle Big Ben, alias Biggie Benet. J'ai 18 ans, je suis un jeune rappeur de Pont-les-UC, un quartier de la banlieue lyonnaise. Ça fait 5 ans que je rappe. Au début, je faisais partie d'un petit groupe, mais avec le temps, je me suis mis à rapper en solo. Voilà, il y a 6 mois, je laissais des petits freestyles sur le net. Un pote à moi qui s'appelle Sabri, qui est le petit frère à Karim. Benzema. Karim Benzema. Il lui a fait montrer tout ça. Il a kiffé. Il m'a ramené dans un label qui s'appelle LGB où je suis aujourd'hui. Où j'ai enregistré et lancé mon premier single BBC. On va l'écouter dans un instant d'ailleurs. Ouais, effectivement. Et qui est aujourd'hui disponible sur iTunes, Deezer, Google Play et toutes les plateformes de téléchargement. Entre temps, j'ai déjà fait aussi beaucoup de sons. On va vous en présenter quelques-uns ce soir. Et il y aura même du live ce soir. Ouais, ouais. Effectivement, il y aura un gros live. Si, si. Et il s'est passé beaucoup de choses, il se passera beaucoup de choses en attendant la sortie, Inch'Allah, de Le Futur est Présent. Street Album, fin 2014. Son premier projet. Voilà. Donc Big Ben avec nous ce soir, qui d'autre? Bah moi c'est Homicide. Homicide. Moi j'ai commencé en tant que DJ, on va dire à l'âge d'or du hip-hop. Après j'ai commencé à faire des beats. J'ai travaillé notamment pour Desporucci, j'ai fait Bolide, un morceau qu'il avait sorti il y a 3-4 ans. J'ai fait aussi Molotov 4 de Sefio. Avec Sefio, voilà. Et ça, c'est pour ma carrière de beatmaker. Après, en fait, en parallèle, à l'époque de Molotov 4, un peu avant, en fait, j'ai rencontré Yacine. Et en fait, on a commencé l'aventure LGB ensemble. Je fais partie des premiers artistes du label. Et bon, on pourra en parler encore dans quelques minutes. Donc Big Ben, Homicide. Si. Ouais. Le suivant sur la liste. Moi c'est Fares. Fares. Rappeur de Lyon aussi. Bron, les UC, dessine. Donc voilà, moi ça fait à peu près 10 ans que je rappe. Ça fait, j'ai sorti pas mal de mixtapes que vous pouvez retrouver sur iTunes. Allez les choper. Vous allez sur iTunes, vous tapez Fares. Fares. Sad Music. Il a fait tourner avant l'attaque générale. Vous pouvez aller les choper. Sinon sur YouTube, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a pas mal de sons là. Cette année, on a envoyé pas mal de sons sur YouTube. On continuera à en parler avec toi tout à l'heure aussi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est tout. Et voilà. Et c'est tout ensuite, pour les beatmakers aussi. Il y a les beatmakers. C'est important. Sans eux, on peut pas rapper sans eux, les gars. Capella. Voilà. Prendre le micro, l'un de nos beatmakers principaux, multicasquette, c'est DJ Sad. Ok, moi c'est DJ Sad, voilà, beatmaker dans le label LGB. Donc pareil, je suis avec Yacine depuis le début du label. Donc voilà, je fais des beats pour les artistes du label et voilà. On va les écouter ce soir d'ailleurs. Et on va écouter tes sons alors. Avec son sauce c'est que du sad music qui est à côté. Et mon sauce DJ Ro, j'ai oublié. Oulala. Qu'on salue. Côté, qui mon sauce DJ Ro qui est là. Qui est à la caméra. Donc voilà. Il faut savoir tout faire en fait dans les labels. C'est la force de l'indépendance. Bon, on va débuter avec un premier son pour avoir l'état d'esprit justement du label avec Big Ben, le morceau, c'est ça, BBC qu'on écoute maintenant. BBC. Disponible sur iTunes, ça allait le choper. Et puis tu le disais à l'instant, Big Ben, il y a aussi quelqu'un qui a mis de la lumière sur le label, qui est Karim Benzema, qu'on aura en ligne dans quelques minutes. Exactement. Qu'on va saluer dans un instant, je crois qu'il est en vacances, on va l'emmerder un petit peu pendant ses vacances. Pendant cette nocturne. Et là on débute avec Big Ben, c'est parti. Coup d'envoi de la nocturne. Spécial label, LGB. Biggie Ben, BBC. Aïe. Disponible sur iTunes. Allez le choper la famille. Vous pouvez nous suivre sur plusieurs réseaux sociaux, Facebook, Big Ben LGB, Instagram, Twitter, allez-y. On va les benzer, Jir, on va les benzer, Jir, si t'es rappé c'est pour la vie, gros c'est comme le vélo, Amy j'suis pas ta vie, non j'suis pas ton pélo. Surtout surveille ta fille, elle file droit au télo. Laisse le front sur le tapis, même si tu charges le cello. Un silencieux pour t'accueillir, mec manque pas de PRS. J'attaque comme le Real, Florentino Pérez. Si t'es prêt à baisser le froc, Miss ramène tes VS. DJ Sad est dans la prod, bro, y'a pas de stress. J'arrive pas excité, je repars avec le barreau. Un jour c'est toi, un jour c'est moi, derrière les barreaux. Quand je vous écoute, je vois aucun name, si je vois que des blagueurs. J'ai pas besoin de 50 personnes, mon équipe c'est mes backers. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. À la BBC. CRC, KIP, Karim Benzema. Karim Benzema. Gardez mental pour ça, je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Elles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. À la BBC. CRC, KIP, Karim Benzema. Karim Benzema. Gardez mental pour ça, je leur fais un schéma. KB numéro 9, je m'approche de la Jeka. Pour le moment, j'ai rien, bien que je balance du Jeka. Vends les choses du cucra, moi je vends juste du cucra. Les caméras un peu partout, pour ça que mes roses sont maigres. Ben. Ma pizzer, plus grande qu'un anaconda. T'as pas écouté le ronda, t'as volé des Honda. 11-7-9, c'est ça le trio. En direct de Skyrock, c'est du bordel comme un rio. Les MC me laissent tranquille, j'ai pas le temps pour vous chichi. On nique les chiens, nique les meufs, me mandent au poteau chichi. Comme Karim Benzema, je vais percer les filets. A force de faire du sale, j'ai dû laver mon filet. Biggie Ben, celle-là c'est pour mes aînés. Je suis à deux doigts niquer vos mères, ça sert à rien de me freiner. Qui peut tester dans la tête, à part son Goku. S'il savoir serait une arme, négro, j'en aurais beaucoup. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Elles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CRC, KIP, Karim Benzema. Son retard est mental, pour ça j'en fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CR7, Yaïf, Karim Benzema. Sont retardés mental pour ça je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. On les suit. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. BBC. CR7, Yaïf, Karim Benzema. Sont retardés mental pour ça que je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Ok. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. BBC. CR7, Yaïf, Karim Benzema. Sont retardés mental pour ça que je leur fais un schéma. C'est la nocturne au contrôle avec Big Ben à l'instant. Donc c'est ce morceau qu'on peut retrouver un peu partout, c'est ça Big Ben? Yes. Il dispo un peu partout ce morceau. Et donc évidemment il est évoqué dans ce morceau Monsieur Karim Benzema, quelqu'un, voilà. Voilà, quelqu'un d'important je suppose pour vous. Voilà, une des figures rayonnantes qui vient de Lyon justement de... Exactement. Grave. Et ça fait plaisir qu'il nous soutienne. Et vous savez quoi, c'est vraiment très plaisir. On va l'emmerder même pendant ses vacances. Alors qu'il mérite quand même d'avoir un peu de repos. Ouais. Mais on l'emmerde pas nous, on l'emmerde pas, c'est la famille. Ouais. Il est là par téléphone, c'est... Karim. Ouais, ouais, ouais. Allo, allo, Karim, est-ce que tu nous entends? Ouais, coco. Ouais. Ouais. Tu entends, il y a une fine équipe dans les studios de Skyrock là. Ouais. Wesh, frérot, ça se passe? Ouais, ça va, tranquillou. Les vacances, ça glisse ou quoi? Bon, bah, lourd. Eh bah, bienvenue déjà, tout d'abord, bravo, parce que quand même, quart de finale, c'est vrai que cette équipe de ouais, France, ouais, lourd. On en a tellement parlé, et même d'ailleurs, toi, t'as été le premier aussi, parce que qu'est-ce qu'on a pu te mettre sur le dos aussi, Karim, parfois. Ouais. Et pourtant, cette Coupe du Monde, c'était, voilà, c'est quand même pour l'équipe de France, quart de finale. Et puis, c'est ce que je pense à titre personnel, vous avez bien travaillé aussi pour ce qui va se passer dans 2 ans, il y a l'Euro qui arrive. Donc je pense qu'il va y avoir, voilà, que l'équipe est en train d'être, qu'il s'est passé du un lourd. Truc. Ouais, du lourd, du lourd. En parlant de ça, je voudrais qu'on l'applaudisse pour le féliciter pour cette Coupe du Monde. Bravo. Ouais. Ouais. Bon Karim, un petit mot sur justement sur toi, sur cette équipe qui est là avec nous ce soir dans les studios. T'as toujours une oreille sur ce qui se passe à Lyon, parce qu'on peut se dire ouais. Non, j'écoute, non, ils font du bon son. Et voilà, et surtout qu'il y a pas de rappeur à Lyon. Mmh. Voilà, c'est une bonne équipe, c'est des bons mecs et surtout ils taffent. Donc voilà, et aujourd'hui c'est pour ça aussi que je suis un peu derrière tout ça quoi. D'accord, donc toi c'est quoi, c'est apporter un petit peu de lumière quand tu vois. Si je peux apporter quelque chose, des trucs comme ça, ouais, après moi j'aime bien la musique, hein. Mmh. Donc voilà, je peux dire aussi quand il y a une bonne instru ou un truc comme ça. Après leur taf c'est les rappeurs, c'est pas moi, tu vois. Donc par exemple, qu'est-ce qui a tourné beaucoup toi quand tu te chauffais un petit peu là avant cette Coupe du Monde ou pendant la Coupe du Monde, il y avait du son lyonnais dans les oreilles? Ouais, moi j'écoute BBC, j'écoute ce son-là. Mmh. Donc, voilà, Big Ben, c'est un son que j'aime bien. En plus, voilà, une dédicace dedans. Donc voilà, après il a fait d'autres morceaux aussi qui sont lourds, mais pour l'instant j'écoute BBC, ouais. Ouais, on écoutera d'ailleurs un autre morceau qui s'appelle Vizlo dans quelques minutes. Voilà, c'est un morceau avec Big Ben qui est là, qui est aussi invité ce soir dans le studio et tout ce label. Donc voilà, donc beaucoup de sons dans les oreilles. Karim, là ça va, tu décompresses un peu les vacances? Ouais, un peu de vacances et un peu de repos et je reprends bientôt. Donc voilà, faut vite bien se reposer et repartir sur les mêmes choses que j'ai pu faire. C'est quand toi au Real la reprise pour toi? Le 1er août. 1er août? Bon, ça ouais. Va, ça fait encore une bonne quinzaine de jours de repos. Ça va, tu te sens bien? Ouais, je suis bien, je suis tranquille, hein. Ça se passe. Hein. Toi, tu tires quel bilan? Parce que c'est vrai qu'on en parlait là juste avant de revenir sur la musique, ouais. Mais quel bilan de cette Coupe du Monde et puis même pour cette année au Real et tout, bilan plutôt positif? C'était une grosse saison, hein. Une grosse saison avec des trophées. Et pour cette Coupe du Monde, on a fait tous une Coupe du Monde, hein. Après voilà, on a perdu contre l'Allemagne qui a été championne du monde. Ouais. T'as suivi le match d'ailleurs? T'as suivi le match en dehors? Ouais, j'ai regardé le match. Alors pas de regret, rien, en se disant putain on aurait pu les taper et tout, non? Bah on aurait pu, franchement on aurait pu. Mais bon après voilà, le foot, des fois il y a des matchs, voilà. Mais c'était une très bonne équipe et ils se connaissent, ça fait un moment. Donc nous on a une nouvelle équipe, une nouvelle génération, mais voilà, on se prépare bien aussi pour l'Euro. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais, je pense que malgré toutes les critiques, tous les trucs, parce qu'évidemment c'est toujours simple de refaire les matchs après, et t'as beaucoup d'émissions aussi là-dessus où tu refais les matchs, machin et tout. Mais il faut pas oublier que voilà, c'est aussi dans la construction, une équipe qui naît, c'est pas comme ça, c'est pas en claquant des doigts. Bah tu regardes l'Allemagne, c'est depuis 2006, hein. Ouais. Puis 2006 c'est la même équipe, donc voilà, après ils ont mis du temps, mais aujourd'hui ils sont champions du monde. Hein. Eh bah écoute, on croise les doigts pour la suite. Alors, en tout cas Karim, hein. Ah, il va tout arrache, on compte sur lui, t'inquiète. Ah ouais. Oh, on est sûr de lui, on sait, on sait. S'inquiète pas. Il va tous les arracher. Il y a qui, tu veux savoir? Bah vas-y, Big Ben, tu présentes un petit peu qui y a. Il y a Yacine du label LGB, il y a Homicide qui est là avec nous. Il y a Saad, il y a Fares, il y a Ichon. Il y a Ichon, il y a Merlin, il y a Timothée. Il y a l'équipe des UC. Il y a l'équipe des UC, frérot. Il y a l'équipe des UC, bon, de terrain, par contre, Karim, je vois aussi beaucoup de drapeaux algériens. Ouais, ouais. Des Z. La Côte d'Ivoire. Ouais, on est là. Bon, c'est vrai que c'était, attends, en même temps, la Coupe du Monde, cette équipe d'Algérie aussi. On l'a gagné, Fred. On l'a gagné. Bien sûr, le Sénégal, hein. Faut pas oublier. Ah, putain, il y a les drapeaux qui sont sortis dans le studio. Ah, ouais. Drapeaux sénégalais, drapeaux algériens qui sont là. Ils ont fait une bonne Coupe du Monde. Ah ouais, la Coupe du Monde, l'équipe d'Algérie, franchement. Ouais, franchement, ils m'ont surpris. Je peux même dire que ce sont les vainqueurs de la Coupe du Monde. Exactement, voilà. Là, je t'aime bien, Fred. Là, quand tu dis ça, je t'aime bien. Bon, on va pas commencer à parler de l'Algérie, on va rester sur le son. Ouais. Hein, bon, mais merci d'avoir été avec nous, en tout cas, ce début d'émission, Karim. Pas de problème. Non, mais c'est du lourd, de toute façon. T'inquiète pas, frérot. Tout le monde, quoi. On va tout arracher. Tu retournes à Lyon un petit peu ou pas trop le temps? Là, je suis un peu vacances et là, je vais retourner 2-3 jours à Lyon, vite fait. Ouais, du côté de Lyon, où je suppose, voilà, les gens, t'es toujours accueilli avec grand plaisir quand tu retournes là-bas. Exactement. Comme à la maison. Il est chez lui. C'est Isnoev. Bon, bah, merci d'avoir été avec nous, en tout cas, en ce début d'émission dans la nocturne. Voilà, passe de bonnes vacances, repose-toi bien, reviens en forme, fais-nous rêver encore. Ouais, parce que ce soit au Real ou en équipe de France, voilà, ça fait plaisir de voir de belles réussites comme ça, et malgré tout ce qu'on peut dire parfois, etc. Bah voilà, c'est pas grave. Ça. L'aventure continue, le mental est là et les buts aussi sont là et ils sont beaux et ça fait plaisir. Merci, bonjour à tout le monde et à bientôt. Allez, salam. Allez, bonsoir, salam, ouais, le mec. Ciao Karim. Allez. Merci d'avoir été avec nous dans la nocturne en direct avec Karim Benzema sur son lieu de vacances là, tranquille. On met du son un petit peu les gars, on retourne sur un c'est son parti. Un son de Big Ben, le morceau Vislo. Ouais, Vislo. Allez, c'est parti. Un morceau un peu d'été qui va vous faire danser, je suppose. BBC, toujours dispo sur les plateformes de téléchargement, n'oubliez pas. Allez le choper. Ouais, je vise le haut, tu sais H-O. Malgré que je suis renoi et je vais les quartiers chauds. Le beat, je l'ai pas volé, essaye pas de me coller. À part si tu déconnes et tu veux atterrir au sommet. Pam, pam, pam, pam, pam, gros, je déconne, con. Serve les sous ici, obligé de faire du con, con. Flash, on est grillé, puis qui va rebriller. Si personne ne veut d'elle, les baquets là, il sera billé. Minimal, ni mal, ni mot. Ici, c'est la chaîne, y'a des animaux. Dans les lyonnais, sortez des caniveaux. Moi, c'est Big Ben et je remonte le niveau. Non, non, ne me vise pas. Non, non. J'suis un vrai, je me déguise pas. Viens, suis-nous sur la piste. Oublie, je n'ai pas le temps de me promener. Ah bon, ici on vise le sommet. Bon, les yeux, c'est armé, musclé. Ils veulent baiser la France, ils sont même pas dépucelés. Miss monte avec nous, les videurs on les connaît. 1h du matin, tu as viré. Merde, j'ai déconné. La bise ne me la fait pas. Garde tes vis, on ne la fait pas. Les gars, je te fais pas. J'ai de mon bras, ceux qui se séparent. Non, non, ne me vise pas. J'suis un vrai, j'me déguise pas. Viens, suis-nous sur la piste. Pour mes frères et mes sisters. Non, non, ne me vise pas. J'suis un vrai, j'me déguise pas. Viens, suis-nous sur la piste. Pour mes frères et mes sisters. Frère, on vise le. Allez, tu me suis. La sortie, c'est par là. Ce qu'il y a, gros. Allez, ouais, tu sors. Mon bordel, c'est fini. Il est 1h du matin, gros. Hey, c'est pas une kermesse ici. Arrête tes conneries, tous mes potes, ils sont dedans. Oh, Big B, cette bitch, t'es fini. Non, c'est le videur, il a pané. Vas-y, on fait comment maintenant? Laisse-nous rentrer, bon, gros. Ok, ça marche. Aïe, je peux plus entendre parler de vous. Non, non, ne me vise pas. Je suis un vrai, je me déguise pas. Viens, suis-nous sur la piste. Pour mes frères et mes sisters. Non, non, ne me vise pas. Je suis un vrai, je me déguise pas. Frère, on vise le. c'est du lourd. C'est Big Ben avec nous, et pas que, il y a le label LGB avec la Lyon à l'honneur dans la nocturne. Big Ben, donc 18 piges, on le disait il y a quelques minutes de cela. Donc ce morceau, il s'appelle Vise le haut. Exactement. Et donc toi, rappelle-nous un petit peu ce qu'il y a de sorti, ce qu'on peut trouver sur toi, ce qu'il faut chercher en ce moment. Bah, pour l'instant, il y a que le son BBC qui est dispo. Single. Mais ouais, single. Mais il y a beaucoup de clips qui sont en préparation. On taffe beaucoup. Et dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, vous inquiétez pas, il y aura des belles choses qui vont sortir. Ouais, restez à la bas, voilà, sur la page Big Ben. Et suivez-nous dans tous les réseaux sociaux. Faut suivre Facebook, de près, Twitter. Le futur Instagram. Est présent fin 2014, d'ici là. Street pas album. Pas mal Inchallah. De sorties de singles, de projets, de clips. Mmh, de histoire clips. De faire gonfler beaucoup, un petit beaucoup. Peu beaucoup. Le tout. Et toi, Big Ben, qu'est-ce qui t'a emmené à faire du rap justement? Il y a eu des exemples, il y a eu des grands moi, frères. J'ai suivi le move, on peut dire. Mmh. C'était un peu la mode. Donc. C'est venu à la mode, c'est venu à la ouais, mode. Venu à la l'époque, mode à l'époque, à Lyon, c'est vrai, rappelle, à l'époque, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Fallait, tu vois. Il y a des gens justement à Lyon que vous avez aimé ou suivi dans carrière rapologique. Après, un peu comme de partout, il y en a qu'on a suivi un petit peu. À l'époque, il y avait celui qui a plus fait parler de lui, un rappeur, c'était en l'occurrence Cassius Belli. Cassius Belli, ouais. Donc c'est le seul vraiment qui a réussi un peu à tirer son épingle du jeu. Au niveau national, ouais. Voilà, et après, pas trop, non. On suit pas trop ce qui se passe. Donc, on suit, en fait, on est vraiment dans notre moule. On a ouais, le guidon. On est dans notre bulle, t'as vu, on fait notre truc. Qui se font de bien à Lyon, comme à Lille, Marseille, de partout. Parce qu'on est beaucoup contactés, mine de rien. Donc, mais voilà, on est dans notre bulle, on avance nos projets. Et le nez dans le guidon, quoi. Et le nez dans le guidon, voilà, le travail paye. Et on vous souhaite beaucoup de succès aussi, pareil, pour les mois à venir. Yes. On remet un morceau avant de passer au son de Homicide et de Fares aussi. On met un morceau de Big Ben 3 en 1. Allez, c'est parti. Exact. Un petit medley. Okay. C'est un medley. Les sons que vous pouvez retrouver de Big Ben. Allez sur iTunes. Bientôt. Ici, disponible. Arrive. Allez sur la page. Je t'extrais. Big Ben. Instagram, Twitter, Facebook. Bombardez. J. Bordel, fucking Big Ben, le king. Envoie les massas. Allez, du mix, smoking. Lourdeur, bolide. Garé sur le parking. Attends, on va tous les jogging. À vous écouter, tout le monde est caraché. Dans la réalité, Mario se fait arracher. Ils ont essayé de rapper, mais ça n'a pas marché. Je t'allume ta mère, la pute, et je pète à panacher. Oh, t'es grillé. Comme d'habitude, on veut des billets. C'est la loi de la jungle, donc c'est les gibiers. Ils sont tués par balles, mais sans le gilet. Celle-ci, c'est pour mes cassos. Oui, pour mes partenaires. Je n'ai que 18 agnos. J'ai la culture d'un centenaire. Pélo, faut les laisser. Hello, je vais les baiser. Gilo, faut se baisser. Ils vendent du crack pour la gloire. Quelques-uns veulent s'en sortir. Bitch, si je t'offre à boire, c'est pour après que la sortir. Faut les laisser. Pour ceux qui ne croient pas que la terre est ronde, oui, faut les laisser. Pour ceux qui croient encore que les fibettes sont blondes, faut les laisser. Ils se plaignent pour des surhommes, contre les balles, ne les perce pas. Ouais, faut les laisser. J'ai compris que leur vie n'est qu'un train qui n'avance pas. Faut les laisser, faut les laisser. Bye. Faut les laisser, faut les laisser. Ça vient de faut les laisser, faut les laisser. Ben. Ah, faut les laisser, faut les laisser. Deuxième petit extrait. Sainte musique. Je vous conseille d'attacher vos oreilles. Parce que c'est du lourd. Ok. Si j'ai froid, c'est qu'elle vend kilo. On rêve de moi comme kilo. Des PMB pour les plus cons, dis pas mon blaze au télo. Oh, hello, my name is Biggie. T'as un gros boule, des gros besoules. I love you, Nicky. J'ai pas le temps pour les défaites. Non, baby, me cause pas. Contrairement au studio, non, baby, je me pose pas. 18 ans, je suis le meilleur. Dis-moi pourquoi forcer. Demande à Nas, vodka, l'anas, rouille à la bringue écorcée. Big up. Zoumana, aussi à mes rapsins. J'oublie pas mon matériel, un joint, une club, une massa. Un flot d'extraterrestres, écouté par la NASA. Dans le rap, je te laisse les restes, t'es perdu comme le Barça. Représailles, corner, j'espère que t'as des potos. Tu te manges une balle dans l'abdomen, mais bon, pour toi, c'est trop tôt. Photo, chez les decks, on est fichés. La jonquera, c'est pas très loin, arrête un peu de guichet. Classés sont les fichiers, fils de paix, les pissiers. Si je baisse d'un ton, espèce de con, c'est parce qu'ils me font pire. Lyonnais, lyonnaise, là c'est Biggie Ben. Demande à L.I.L. Oui, c'est la street qui nous a baigné. casquette à l'envers. Tu soucis, faut s'en faire. Comme dirait Léonidas, soit on dîne en enfer, soit on dîne en enfer, soit on dîne en enfer, soit on dîne en enfer, soit on dîne en enfer. Casquette à l'envers, tu soucis, faut s'en faire. Comme dirait Léonidas, soit on dîne en enfer, soit on dîne en enfer, soit on dîne en enfer, soit on dîne en enfer, soit on dîne en enfer. J. Biggie Benny. Allez pêcher son BBC. iTunes, Deezer, Google Play. Branchez-vous sur Facebook. On est là la famille. J'ai le seum. Écarte ce que t'es marre. J'ai le seum. Un peu comme un Seymar. J'ai le seum. Crochet à la Neymar. J'ai le seum. J'ai le seum. Si t'as pas l'esprit ouvert, boum, une balle dans le faussaire. Photo lul, photo tease. Fuck les schmitts qui nous observent. J'ai le seum. J'ai le seum. Fuck l'État et ses députés. Miss, c'est pas en te coudrant la chatte qu'un jour tu seras député. Extincteur, y'a pas le feu. C'est juste pour enlever nos parquins. Avec une quinzaine de personnes, mais quelques-uns ont pris tes poitrines. Laisse-les parler dans mon dos. C'est rien d'autre qu'une preuve de lâcheté. Si tu nous croises en moto, y'a une chance sur 10 qu'elle est achetée. Quand je fais du sale, tout le monde en redemande. Ok, je vais faire du bruit, mais je suis pas une Allemande. Ok, personne fait le poids, je les pète tous à la mante. Tu veux des pizzas, pitcher sur commande. J'ai ça. J'ai le seum. Dans le petit checks. J'ai le seum. Fais gaffe comment tu check. J'ai le seum. Même faire du petit shake. J'ai le seum. J'ai le seum. J'ai le seum. Écarte tout ce que t'es marre. J'ai le seum. Un peu comme un Seymar. J'ai le seum. Crochet à la Neymar. J'ai le seum. J'ai le seum. J'ai le seum. Dans le petit checks. J'ai le seum. Fais gaffe comment tu check. J'ai le seum. Même faire du petit shake. J'ai le seum. J'ai le seum. J'ai le seum. J'ai peur tout ce que t'es marre. J'ai le seum. Un peu comme un Seymar. J'ai le seum. Crochet à la Neymar. J'ai le seum. J'ai le seum. Big Ben. Aïe. Biggie Benny. LGB Roya. Aïe aïe aïe. Big Ben à l'instant, donc medley, hein. Celui-ci où on retrouve certains de tes morceaux. Trois en un. Ouais. Voilà, à l'instant. On va basculer sur un autre artiste du label, c'est Monsieur Homicide qui est là avec nous. Si. Mariachi. Mariachi, donc ça c'est un morceau qu'on peut trouver où Homicide. C'est un morceau qui est pas encore sorti, c'est une exclu, on va dire. Mais ça va débarquer très bientôt. Bientôt. Ouais, très bientôt. Donc faut guetter, ça arrive. Faut guetter le ciel. Et sinon si on veut trouver tes sons, on fait comment, on clique quoi? Bah tu tapes Homicide. Et sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Homicide LGB ou sur Instagram, sur Twitter. Et en vrai, tu suis le chemin et tu trouveras toujours des soins à moi. Mais tu vas sur YouTube, label LGB et il y a tout. Il y a tout, frère. Bon, l'écoute celui-ci, donc grosse exclu. Si. Morceau qui s'appelle Mariachi. Mariachi. C'est sur une prod de sad musique. Lourd. Donnera ce que tu mérites. Chut, ça t'en perdra, donc on l'évite. Frère, je suis comme toi, j'aime le motherfucking beef. Mais ce terme, il me perdra comme dans Billy. 11-43 sous la veste. Chaud dans le crâne, c'est nous délit. Les petites chez moi rêvent de grosses caisses ou de grosses tasses, de gros délits. Faut que tu vois le délit. Ils ont les poches pleines comme Obélix. Nos ailes toutes miel, c'est un délice. Très peu d'armistice, près du précipice. Ça rempli de vis, plus de tête, mais craque que dans Freddy. 300 sur le périph, laisse les gens à la dérive. Les gars, genre en pan, on atterrit. Ma zone est sanglante comme l'OTAN, comme l'Amérique. Mais la vie est vendante quand t'as le cambre à Libéry. Que passe à Mufasa, j'ai le brassard, t'as nada. Du seut là, des masses, de la pina colada. Et je protège mon frère comme O'Reilly protège son frère. Et mes Rosalys comme O'Reilly dans des Mercobins. On est fort et doué. Ouais, que Dieu soit loué. Que les portes soient clouées, trouées et rouées, coup de fouet. On fait que le wind est dans les starting blocks. tu te manges des bites, t'en as le couer qui colle. Jure. Le mariachi. Mariachi, ro. LGB. Sad musique. Ouais, ouais. Jure. Hey. Jure. Les Grecs. Seis nueve, ro. Je le sais. C'est les blocs, c'est les blocs. Veulent pas qu'on s'en sorte, on leur sort le bowling. Easy comme le vol, t'as l'effort d'escorte. On n'est pas des potes, ni d'Adam, Dev ou de l'époque. Négro ton règne, c'est mes chiottes. Tu bloques à la porte, allez nique ta mère. Maintenant qu'on est dedans, faut que les PD sortent. Les faux pirates, rien qui se mènent en bateau. C'est du Birman, rien qui se prennent pour des chevaux. J'ai un bateau pour se mettre à leur niveau. Tous mes rivaux, KO sur caniveau. Donc là comme un LED, pas tant de faire le T. Qu'on a tué le BEAT. On n'a pas notre BEP, mais on te pète le nez. Si t'oses nous traiter de rater. Toi quand t'es là on te remarque même pas. Dès qu'on est pas là on ne remarque que ça. Je côtoie Antoine, Mourad et Demba. Et le gros trésor, Pelot Kinshasa. Différents frères, différentes cliques. Différents bêtes depuis l'époque antique. Différentes froids durs, moi je suis comme l'Antarctique. Différentes armures, poteau même les rose pic. L'avenir est sombre, négro nous aussi. La vie est dure, négro nous aussi. Ils se font les ongles, on se fait du profit. Ils ne sont que l'ombre de leur utopie. What's up? Shit. Ouais, ouais. En direct de Sky, Roya. Et Mariachi. Mariachi, exclusivité LGB. Homicide. Homicide. Ouais, ouais. Si, si. Ok. Je le sais, je le mouvais. Si, si. LGB. 6, 9. 6, 9. C'est la nocturne avec le label LGB à l'instant, donc, et ce morceau de Homicide qui s'appelle Mariachi. Si, si, Mariachi. C'est ce qu'on écoutait à l'instant. Si, si. D'ailleurs, j'ai oublié de dire un truc tout à l'heure. Vas-y, vas-y. J'ai un projet qui est téléchargeable sur les plateformes dédiées. Et ça s'appelle Jour des Seigneurs. C'est un projet que j'ai sorti il y a un an ou deux ans. Et donc, qu'on peut toujours trouver. Ouais, qu'on peut toujours trouver. C'est, voilà, c'est du Homicide. Ah, attends. Yacine, faut que t'appuies sur le bouton, sinon tu me dis, voilà. Je disais, il est lourd. Ouais, vous pouvez télécharger. Ouais. Il date un peu, mais c'est du lourd. Ouais. On peut pas aller cliquer dessus, Homicide, et on trouvera. Ouais, frère. Avant de vous écouter en live, dans quelques minutes, vous allez nous faire du live aussi, messieurs. Ouais, ouais, un freestyle, ouais. Why not? Il nous reste le morceau de Fares à écouter, un morceau qui s'appelle Du Bif. Du Bif, du Bif. Un petit mot sur ce morceau, même sur toi, sur ce qu'on peut trouver pareil. Bah, moi, sur, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, les morceaux, ils sont disponibles sur YouTube, sur iTunes. Il y a deux projets qui sont disponibles. Et donc voilà, sur YouTube, tu peux aller, on a et fait pas mal de sons. Et Du Bif. Et Du Bif, je l'ai enregistré en Suisse, celui-là. Je l'ai enregistré dans un studio en Suisse. D'ailleurs, big up à nos partenaires. Ouais, ouais, on a des partenaires en Suisse, ouais. À Lausanne. Ven, K8 et tout M16, ça. M16, ça s'appelle. M16 Records, yes. Ounal, Ven, tout ça, toute l'équipe. Et je l'ai enregistré là-bas, tu vois, parce qu'en fait, en ce moment, je suis un peu là-bas. C'est pas mal. Ouais, ouais, tranquille, ouais, t'as vu. Il y a des comptes en banque sympas, des trucs. Ouais, après, comptes en banque, il y a plein de choses. On n'est pas encore là, tu vois, Fred. Ah, t'en es pas au stade. Ouais, on n'est pas encore là, tu me connais. Hey, on est. On prépare le terrain, on prépare. Ouais. Bah, c'est donc, bien. Voilà. Ça nous inspire. Je l'ai enregistré là-bas, voilà, ouais. Donc, tu vois, ça parle de Bif, je l'ai enregistré en Suisse, donc. C'est étonnant. Et voilà, c'est sur une prod sad music, pareil. Allez, on l'écoute maintenant. Si, si. Fares, Du Bif. Ah, non, c'est pas celui-ci, celui-ci on le remettra après. C'est celui-ci, Du Bif. Ok, ok. Sad music. Oh, ah ouais. Ouais. Il faut du liquide, du liquide, du liquide, du liquide, du liquide. Ah. Il faut du liquide, du liquide, du liquide, du liquide, du liquide. Ah. Il faut du liquide, du liquide, du liquide, du liquide, du liquide. Ah. Il faut du liquide. Ah. Il faut du liquide. Je rap pour ma zone, pour la tienne, pour les vrais. Écarte-toi de là, laisse-nous piloter. Ça vient du fond des quartiers lyonnais. Comme dirait Byron, on est tout près. C'est nous les pauvres, c'est nous que tu vois. Sur la côte, en petite équipe capuchée. On s'affiche pas, on cherche la fraîche. Toi va danser pendant qu'on fouille ton camping. Il me faut des teams, je veux du caviar. Sur ma caisse là, je veux du caviar. Sur ma caisse là, il me faut ma casa. Il me faut ma casa avec dans le jardin Lyon Katanga. Les voyous dansent pas, ils belaient. Col de massa, et belaient. J'ai besoin d'un massage, je suis trop sur les nerfs. Dans tous les quartiers, les bécanes se lèvent. C'est le son des cramés, gros pétard aux lèvres. Quand je monte en l'air, si tu te lâches à l'air, surveille tes fesses, ça bouge en radère. Laisse nous passer, on n'a plus le temps. Ni pour vos glaches, ni pour vos blagues. Comme mes rapaces, je cours après le cash. Comme Karim B, je mettrai ta cage. Dans les étages à la rate, c'est la jungle. Les bafouilles circulent, appelle le gamleur. Deux, trois tarlus, deux, trois malbacs. Envoie-lui au champ, vois à gamelle tout à l'heure. Nique les SS, nique les SS. C'est pour mes rats, coincés là-bas. Crie liberta, crie liberta. Nique l'État et tous ces bâtards. Du bif, du bif, du bif. Ah, on pense qu'à ça. Je veux ma casa dans mon jardin. Je veux un lion Katanga. Tu bif, tu bif, tu bif. Ah, on pense qu'à ça. On pense qu'à ça. Sans faire la pince. Partage ta chave. Tu bif, tu bif, tu bif. Ah, on pense qu'à ça. On pense qu'à ça. On pense qu'à ça. LGB. Tu bif, tu bif. Ah, on pense qu'à ça. Fais tout à gauche sans faire la pince. Partage ta caisse là. Du bif, du bif, du bif. Pélo, j'ai que ça en tête. Ouais. Pas le temps pour tes fêtes ou tes soirées qui puent la défaite. On parle ton swag, tout dans le frigo, rien dans le paraître. Demande à Miko. On veut la navette, rouler en 7, tout seul à bord, je tout seul mes pets. Un rouleau tout vert, une plage isolée, un cocktail glacé, sirote, sirote. Fais pas gangster, t'es pas hosté. On tourne à la jack, on boit pas le siroc. Sur une pirogue, mes pirates naviguent. Partout on s'invite, ça part vite en fight. Ma vie faut je la pile. Mais tu me verras pas partir à la rate en serrant la main d'un flic. Un gros molar sur ton drapeau. Niquez vos mères, ouais c'est gratis. Ta factice, crache la caisse, les petits ont grandi. Ils pissent du pastis. Je veux un manoir dans mon douar. J'ai fait manard. Maintenant je veux ma part. Ouais, je veux ma part. Ouais, je veux ma part. Sale bâtard, envoie ma part. J'enchaîne les sons comme des chenoufs. Pas le temps de me poser, j'ai trop de choses à faire. Pas le temps de te causer, j'ai des affaires à faire. Trop de billets à faire. De côté de la mer, chacun sa mère. Donc fais ton salaire, pas l'effet salaire. Comme Jerry Saber. Roule un gros schler, un gros fumigène. Toujours en zone, même quand il gêne. Du bif, du bif, du bif. Ah, on pense qu'à ça. Je ma casa. Dans mon jardin, je veux un lion Katanga. Du bif, du bif, du bif. Ah, on pense qu'à ça. On pense qu'à ça. Gauche, sans faire la pince. Partage ta chamba. Du bif, du bif, du bif. Ah, on pense qu'à ça. On pense qu'à ça. On pense qu'à ça. LGB. On pense qu'à ça. Du bif, du bif, du bif. Ah, on pense qu'à ça. Mets tout à gauche, sans faire la pince. Partage ta caisse là. LGB, c'est du lourd. LG, bim, bim. À l'instant, Fares, c'est extrait, bah, extrait des projets qui arrivent, du bif. Ouais, c'est un son qui va arriver. Qui va arriver, qu'il y a pas mal de projets qui arrivent là. T'as vu, on bosse beaucoup, on a beaucoup de sons à gauche, beaucoup de clips à gauche, beaucoup de, t'as vu. On essaye de, tu vois. D'avancer. Tu vois, d'avancer à fond, de. Fin 2014, c'est la déferlante. Voilà, LGB. Bon, Lyon, ils arrivent fin 2014, Lyon, sur la carte du hip-hop, Fred. Eh ben, avec grand plaisir. Estampillé. Est-ce que tout le monde est prêt pour le live maintenant? Si, si. Est-ce qu'on peut y aller, messieurs? Toujours opérationnel. Fares, si, Homicide, si, et si, Big si, Ben si. Au micro. Si, si. Coup d'envoi du live? Let's go. Allez, c'est parti maintenant. Ok. Big Ben. G. Sad music, Benny. Chill. C'est bleu qui dingue. Lourd dingue. Lourd dingue. Hein? Lourd dingue. Hein? Lourd dingue. Lourd dingue. Je suis sur le périph' en panne, nananana. À mes côtés, à ta nananana. Monsieur le shérif, est-ce que vous me prenez toujours pour un mangeur de banane? Nanana. C'est Biggie Ben, genre un calibre et c'est qui peine. Aucune pression, tous mes rangs sont zen. Je rafale les caches comme un citizen. Trop t'avance pour me retourner. Comme contre l'Ajax, Benzé. Je mets des retournées, on tire pas à blanc. Pas blanc, réel sont nos brelis. Je suis un peu la fusion de Sangoku et Broly. Avec mon son lourd, je vais niquer les baffes. J'arrête pas des carrières, mais je vais niquer des taffes. L-A-P-E-L LGB les sebots. Chérie, j'ai pas trop le temps, y'a qu'au studio que je me sais beau. J'suis en pana, pana, pana, avec mes gars, avec mes gars. J'suis en pana, pana, pana, avec mes gars, avec mes gars. J'suis en pana, pana, pana, avec mes gars, avec mes gars, avec mes gars. J'suis en Panamera avec mes gars. On tire pas à blanc, pas à blanc. Ils ont nos flingues. Bordel, qu'est-ce que j'suis bon, mon son est lourd, dingue, dingue, dingue. Mon son est lourd, dingue, dingue, dingue. Mon son est lourd, j'suis prêt à faire des sous. J'suis déterminé, armé d'un taille crayon, poteau, j'danse même sur terrain miné. Clash et Biggie Bene, c'est que t'es impliné. Ah bon, vous êtes les boss du rap, maintenant c'est terminé. Bene, Bene, faut pas finir au j'tin. C'est pour mes voyous, en boubou ou en ghostin. On fait les choses bien, bien, on fait les choses bien. Mes rires reçoivent des grosses peines quand tu reçois des Oscars. Ah, mon son est lourd, dingue. Sur la balance, DJ ça dans la prod, on accélère la cadence. Faut pousser, pousser, ma BR fait tousser, tousser. Rochus nous fait des max, armes de guerre dans tes ma tête est rouffée. J'suis en pana, pana, pana, avec mes gars, avec mes gars. J'suis en pana, pana, pana, avec mes gars. J'suis en pana, pana, pana, avec mes gars, avec mes gars, avec mes gars. J'suis en Panamera avec mes gars. On tire pas à blanc. Sont nos flingues. Bordel, qu'est-ce que je suis bon, mon son est lourd, dingue, dingue, dingue. Mon son est lourd, dingue, dingue, dingue. Mon son est lourd. Aïe, Big Ben en direct de Skyrock. Ok, ok, en direct de Sky, LGB, Sad Music, hein. Fares. Un 2, un 2, wesh Big Ben, passe le mic, je contrôle. Crochet CR7, frappe lourde, Benzo. Un petit bédo, j'en fais un fil, je navigue dans les rues de ma ville. Les souvenirs défilent, tu peux en faire un film. Bim bim, ben ouais, on est là, fiesta. On traîne là où tu restes pas. Pose la manette, casse-toi. Basta, basta, tous vos blabla, casse-la. Rasta, je n'ai qu'à ta race, crache pas dans la pasta. Chacun son poste, tous prêts à les pilonner. J'ai du pain sur la planche, toi t'as de la blanche plein le nez. C'est juste un freestyle, allume le buzz qu'on décolle. L-Y-O-N, quoi qu'on fasse, les jaloux collent. C'est juste un petit encas, t'inquiète, en cuisine ça charbonne. Sard musique, industrie, emballe les prods au Chatterton. En boîte. Allez, on écoute que. On tourne, big up au 9-4, 310. Du à Bruxelles, big up aux frères qui nous suivent en Suisse. On écrase tes rumeurs comme des mégots. En gros bolide, big up aux frérots Coco. Big up aux frérots Coco. Ouais, ouais. Yeah. Big up aux frérots Coco. Saisis bien, nous mélange pas, c'est pas la même recette. Saisis bien, fais la starlette, tu verras pas venir la pichenette. LGB sur les plaquettes, qu'on détaille vos des thunes. Sûr, c'est du seum, c'est par bitume. Tu me verras pas arriver comme le front de mon tiro. J'tiens le paf comme un quattro, quand tu galopes, j'suis au trot. A chaque crack, c'est pas la même, tu sens que mon flotte ménage. J'monterai pas dans votre manège, on vend tout ici sauf la neige. J'viens de là où, laisse passer où tu goûtes la calandre. Et si on passe l'été à Méribel, mais c'est pas les calanques. Tiens ta langue ou on te la tranche comme dirait le cousse. Chacun sa merdasse, monte le volume, mes couilles c'est ma verdasse. Allume le buzz, j'sors de la cabine, j'peux pas faire un son sans que j'l'abîme. V'là l'équipe, bim bim. Bim bim, v'là l'équipe, bim bim. Bim bim, tout le monde. L'équipe, bim bim. L'équipe, bim bim, v'là l'équipe, bim bim, v'là l'équipe, bim bim, v'là l'équipe, bim bim, v'là l'équipe, bim bim, v'là l'équipe, bim bim. Direct de Skyrock, c'est Fares. Ouais ouais, ouais LGP, ouais. On est là. Ouais ouais ouais, ouais. Oh, vous êtes là ou pas? Ouais. Ok. Homicide. Ouais, ouais. Ah, préviens tes copines, c'est le débarquement. Future scène de crime, ton appartement. Pas d'appartenance, on t'abat seulement. Et tu files en pénitence en te flagellant. Virus volatile dans le chargement. J'aperçois la crime, je te dis sergement. Et dès que j'aperçois un beat, je te dis serge, je le fends. Des mises à l'amende, mais non chalamment. Inch'Allah, je m'en sors indemne. Le serpentaire, la vie que je mène. Dieu merci, j'ai rien dans le zen. J'suis pas une star, les parisiennes. On lâche pas le morse comme un alpiniste. Ils ont pas de corps comme le machiniste. Sans je taquini, quand t'attaques, il nie. Salit tout ce qui brille, Michel Platini. Tout piné, c'est ça le thème. C'est ça le game, que la ne tienne. J'viens pour plumer la sème. Tenez, buvez à la mienne. J'parle chien de chienne, tiens la par la laisse. Grâce à Schengen, tu les nourris à la cesse. Normal qu'on traîne, on est nourri à la tête. C'est normal qu'on te saigne, on est nourri à la hesse. Frère, on fait ta fête comme si c'était ton birthday. On allume tes bougies, on t'offre la fève. C'est la fin de carrière à Widerzen. Un adanté, we meet again. On a trop de respect pour niquer ta mère. Ta tête à la place, on monte en l'air. On monte en l'air comme une montgolfière. Du plomb dans l'air, avec arme de guerre. Avec arme de guerre, guerre, guerre, guerre. Plomb dans l'aile avec arme de guerre. Arme de guerre, arme de guerre. T'as du plomb dans l'aile avec arme de guerre. Arme de guerre, arme de guerre. Plomb dans l'aile avec arme de guerre. Précis, grenade, galache, fusil, résine, que gras dans la cuisine. En avance, on se téléporte. Défoncé au champ, fait sauter les portes. Que ces PD me portent dans le cœur ou pas. Ça, ça ne m'atteint pas comme un télescope. J'en saute à la gorge, je suis lycanthrope. J'en donne la mort, je suis philanthrope. Je suis Darth Vader devant l'antipop. Au fond de la cloque, j'en glisse mon Glock. MC passe nous voir, y'a du boulot. Tu sais que t'avales même au boulot. On t'a vu faire après le concert. La bouche ouverte, le doigt dans le couloir. Faudrait que t'articules quand t'écartes ton cul. Quand j'inocule, mon poison tue. J'ai le ventricule comme une tarentule. Crénom d'une bitch. Et c'est monstru, vise la tête, le corps titube. Ne parle pas de guerre, on a l'habitude. J'ai ta carrière dans le ridicule. Mal de gain, on fume, laisse des détritus. D'autres impus, pas besoin de sécu. Gros tarlu et les portes écus. Tu suces des queues pour deux, trois écus. Celles qu'on finisse plus comme à la sécu. Frère, on fait ta fête comme si c'est ton birthday. On allume tes bougies, on t'offre la fève. C'est la fin de carrière à Widerzen. Et la dentée, we meet again. On a trop de respect pour niquer ta mère. T'inquiète à la place, on monte en l'air. On te monte en l'air comme une montgolfière. Du plomb dans l'aile avec arme de guerre. Avec arme de guerre, guerre, guerre, guerre. Plomb dans l'aile avec arme de guerre. Arme de guerre, arme de guerre. T'as du plomb dans l'aile avec arme de guerre. Arme de guerre, arme de guerre. T'as du plomb dans l'aile avec arme de guerre. Précis, grenade, galache, fusil, cuisine. Que gras dans la cuisine. Guerre. Ouais, ouais. Plomb dans l'aile avec arme de guerre. Arme de guerre. Homicide. T'as du plomb dans l'aile avec arme de guerre. Arme de guerre, arme de guerre. T'as du plomb dans l'aile avec arme de guerre. Précis, grenade, calache, fusil. Dans la fusil, yeah. C'est ici, c'est ici. Hey. Homicide dans la place. En direct de Skyrock, LGP, Fares, LGP, Sad Music, toute la famille, hey. Big up au frère Coco. Tout le monde comme ça. Big up au frère Coco. Si, si.